Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de ce qui se passe, de l'actualité qui fait parler beaucoup actuellement. Les séries d'éliminatoires vont commencer demain dans la Ligue nationale de hockey. Et en guise de protestation, les abonnés de Bell, dont moi je suis, n'auront pas le droit ou n'auront pas le signal de TVA Sport. Évidemment, c'est un moyen de pression, évidemment, parce que Pierre-Carl Péladeau mentionne que Bell ne donne pas assez de redevances à TVA Sport. Pour en parler, on parle avec... il est blogueur dans les coulisses. Il est également fondateur du site Passion LMB. C'est Jeff Drouin. Salut, Jeff. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien. Jeff, tu t'es intéressé beaucoup à ce sujet-là depuis quelques jours. Ça fait parler sur le site dans les coulisses. Tu en parles beaucoup. Comment tu trouves la situation? Moi, je trouve que quelque part... PKP se tire dans le pied. On regarde sur les médias sociaux, les gens sont pas nécessairement contents. Comment tu trouves ça? Je trouve ça triste et décevant. Écoute, on a vu cette phrase-là apparaître qui stipulait que les abonnés de Bell n'allaient pas avoir les matchs de la Ligue nationale à partir de mercredi 19h. Là, on s'est tous dit, ça doit être une joke, ils doivent mettre un peu de pression, mais finalement, là, ils ont décidé d'enclencher ça, cette pression-là. Ils ont exécuté leur menace, comme on dit. Ils ont mis à exécution leur menace. Puis ils annoncent aujourd'hui, à partir de demain, 19h, les abonnés de Bell n'auront pas les matchs de la Ligue nationale. Je trouve ça triste. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça niaiseux. J'essaie de trouver le meilleur qualificatif possible, mais c'est difficile pour moi. Moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue. J'étais avec Bell. Puis après ça, là, on n'a pas ça Vidéotron. Il ne se rend même pas encore chez nous. Donc, les gens doivent se tourner vers autre chose. Cablevision, Star Choice, faut-il qu'ils cancellent leur contrat avec Bell pour aller là? Tu sais, à un moment donné, tu te gardes un moyen de pression, ça ne durera pas une éternité. Je trouve ça triste. Puis je parlais à beaucoup de gens aujourd'hui, dans la cinquantaine environ, qui ont Cablevision bien normal, ou Bell la secoupe, puis ils se disent, garde-le, moi, je ne changerai pas mon forfait pour ça, là. Fait que je vais être pogné à pas écouter les matchs. Moi, j'ai pas ça Sportsnet, j'ai juste TVA et RDS. Je ne sais pas si ça va à peine de me le mettre. Donc, tu sais, t'as des gens qui se questionnent, t'as des gens qui vont être privés de leur sport. Moi, j'en connais plusieurs de ces personnes-là qui aiment ça écouter des séries, même si le Canadien n'y est pas. Ouais. Ils aiment ça écouter des séries, puis ils les écoutent à TVA, ils les écoutent pas en anglais. Ils veulent pas les écouter en anglais. C'est peut-être juste une infime partie de la population. Mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés par cette décision niaiseuse-là de Québécois. PKP était sur les ondes du FM 93 avec Myriam Segal, du FM 93 à Québec. Et Jeff, on va écouter la question de Myriam Segal ou au commentaire quand Myriam Segal lui mentionne « Moi, là, j'ai payé TVA Sport avec Bell, puis vous me l'enlevez. » Voici la réponse de PKP, puis par la suite, on va commenter. Écoutez, parce qu'à un moment donné, une négociation, il faut qu'elle sache se terminer. Là. Ouais. Moi, j'y peux rien, c'est... comprenez-vous? Je peux pas. Ouais, j'ai pas de pouvoir. Mais là, vous demanderez alors à ce moment-là à Bell de vous rembourser, puis vous avez le droit éventuellement de changer de distributeur. Vous pouvez même éventuellement aussi vous abonner à l'OTT de TVA Sport. Si vous voulez écouter les matchs, là, vous pouvez l'écouter sur l'Internet. Il y a d'autres alternatives. Et c'est ça qui est important pour le consommateur. Mais les alternatives. C'est vrai que la situation que vous avez décrite, nous autres, on va toujours être mis dans le coin, puis on va continuer. Écoutez, là, ça fait 130 millions de dollars que nous avons investis. Je ne parle pas de 4-30 sous, là. C'est 130 millions de dollars que nous avons investis dans TVA Sport. Si on était là, puis, tu sais, deux semaines plus tard, après avoir lancé, on n'a pas le tarif, là, peut-être que les gens diraient. Jeff, écoute, moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Écoute, t'as juste à appeler Bell. À quelque part, il y a une entente de distribution. Le CRTC a pris position là-dessus. Et deuxièmement, quand PKP dit « j'ai payé 152 millions », c'est-tu notre problème, nous autres? Parce que rappelle-toi, on va se rappeler en 2011, quand TVA Sport a été fondé, tout le monde pensait que les Nordiques s'en venaient, que TVA Sport allait être le diffuseur des Nordiques, puis que il le démarrait un an avant pour question de se rôder. Mais c'est pas ça qui est arrivé du tout. Et est-ce que sans club de sport, à part que le Canadien, est-ce qu'il y a un marché pour la Ligue nationale ou un deuxième canal de sport au Québec? Je suis pas certain, moi. Ben, je me suis longtemps posé la question, tu sais. PKP a décidé de dépenser une tonne d'argent avec TVA Sport, qui perd de l'argent année après année. Une chance que les autres réseaux lui rapportent beaucoup, là. Mais ça, c'est comme son petit jouet, là, son petit camion dans le sable. Là. Lui, il veut s'amuser avec ça, puis croyait fermement au retour des Nordiques. Mais aujourd'hui, les Nordiques sont où? Ils sont pas là. Les Nordiques, là, je pense pas qu'ils sont prêts de revenir dans la Ligue nationale de hockey. Là. Gary Bettman s'intéresse pas à Québec. C'est plate, là. Tu sais, j'aimerais ça qu'ils reviennent, les Nordiques, mais tout je suis réaliste dans ce propos. C'est ça, exact. J'aimerais vraiment ça, mais je suis réaliste, objectif. Ils reviendront pas tout de suite. C'est sûr et certain. Là, on se retrouve avec deux réseaux télé. On sépare les matchs à la Ligue nationale du Canadien de Montréal. La même chose avec les matchs de baseball, t'en as RTL, t'en as TVA Sport, alors qu'il y avait juste un réseau avant qui diffusait tout ça. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de TVA Sport? Tu sais, j'entends souvent les gens chialer. Manque de qualité chez TVA Sport, manque de ci, manque de ça. On est souvent déçus par leur présentation. Je ne veux pas faire leur procès à TVA Sport, là, mais c'est quand même PKP qui a décidé de l'acheter, de fonder ça, de lancer ça. C'est pas notre problème, le prix qu'il l'a payé. J'aime ça comment tu le dis. C'est pas de notre problème, le prix qu'il l'a payé. Voir que les gens vont appeler d'elle pour se plaindre, ben voyons donc. Ça n'a pas de sens de dire ça. Un homme de sa trempe, un homme d'affaires qui se fout des gens. Ah, écoute, c'est carrément ça. Écoute, c'est carrément ça. Dis-moi si on parlait maintenant de la suite des choses. Écoute, est-ce que tu penses que le CRTC va bloquer? Est-ce que tu penses que Bell pourrait y aller d'une injonction demain, empêchant tout ça? Ça se pourrait que Bell décide de lever le flag, de faire quelque chose. Là, c'est une grosse business aussi. Ils veulent pas laisser ça aller, évidemment. Ben mais tu sais, tu parles du CRTC, je suis même pas sûr. Je pense que Québécois n'a même plus rien à voir avec ça. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire de ce côté-là. Je pense qu'ils ont même pas leur mot à dire. Ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Semble, j'ai entendu dire ça, que Québécois était plus, avait plus de lien avec le CRTC. OK. Mais là, est-ce que tu penses que ça joue à deux, cette game-là aussi? Si demain matin, Bell et RDS décideraient de brouiller les ondes de Vidéotron avec RDS, t'as-tu pensé demain, OK, là, les séries sont les Canadiens ne sont pas là, mais mets ça dans un match de Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros qui s'en vient bientôt, je suis pas sûr que les gens la trouveraient drôle, là. Ben non, c'est une situation que je pensais pas voir, puis il y a plusieurs personnes qui s'attendaient pas à ça, là, qui ont fait le saut, puis voyons, c'est complètement illogique, cette guerre-là. Puis tu sais, cette guerre-là peut aller encore plus loin. Là, les expos, il n'y a pas de si, c'est quand ils vont arriver, en 2020 et 2022. C'est qui va ramasser les expos? C'est RDS, c'est TVA Sport, on va tous partager ça. La guerre sera-t-elle encore ouverte, comme on le voit là, parce que là, c'est le début d'une petite guerre, d'une grosse guerre. Est-ce que cette guerre-là sera encore en route lors du retour des expos? Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses parce que les expos, c'est une autre grosse équipe professionnelle qui s'en vient, là. Les deux réseaux vont se battre pour avoir les droits, là, sur les expos Montréal. J'ai vraiment hâte de voir le combat si la guerre se poursuit lors du retour des expos de Montréal. Effectivement. Jeff, un gros merci. On suit ça. On suit dans les coulisses. J'imagine que tu vas suivre le dossier de Prend'Encore. On continue de suivre ça de très près, ça nous intéresse. J'ai hâte de voir la suite des choses dans ce dossier chaud-là. Ah, effectivement, on se rappelle. Puis félicitations pour ton podcast avec Derek Aucoin, Deux balles, deux prises, qui est diffusé le mercredi. Moi, je l'écoute la fin de semaine, mais c'est toujours présentable. Mais félicitations encore une fois, très bon podcast. Merci beaucoup, Danny, pour les beaux propos. Jeff Drouin du site Dans les coulisses et Passion LMB.